Maman, je veux un croissant. Pardon, je... Quoi ? Je voudrais un croissant, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est toi qui le demande, poliment. Bonjour, un croissant, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et s'il te plaît, maman, ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà, mon petit. Octave, qu'est-ce que tu dis ? Merci. Merci qui ? Merci, madame.